La question de l'habitat, ronde 2, Commons Camp. Le droit à la ville, oui, le droit à la ville pour tous, enfin, sur des problèmes, surtout sur le centre-ville, sur les problèmes de gentrification, de politique, de réglementation qui cache des politiques assez inégalitaires, etc. Avec un focus à ces derniers temps, avec ce qui s'est passé sur la rue d'Aubagne, des effondrements d'immeubles, etc., qui a fait ressortir une problématique qui était ancienne, hein. C'est pas apparu il y a un an, cette problématique, évidemment. Et donc, du coup, se pose la question pour nous aussi de comment faire de l'habitat autrement dans le centre-ville de Marseille, mais bon, c'est une question générale aussi, hein, mais comment l'habitat peut être qu'est-ce qui existe comme alternative entre comme c'est ce matin, la propriété privée entre la propriété privée et le squat et les bailleurs sociaux, est-ce qu'il n'y a pas de troisième voie? Enfin, il y en a, on sait qu'il y en a, mais on voudrait savoir quels outils législatifs existent ou seraient à trouver, quoi. Enfin, de quelle manière peut-être on pourrait faire jurisprudence, enfin, est-ce qu'il n'y a pas des lois qui pourraient remonter d'expérience, est-ce que c'est déjà arrivé aussi, enfin, voilà. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur des expériences dans d'autres pays comme en Allemagne ou en Suisse? Il y a beaucoup de coopératives habitantes en Suisse. Il y a un dispositif qui existe en Suisse qui est utilisé et qui est embryonnaire en France, c'est l'association des syndicats ou des syndics libres, un truc comme ça. Et apparemment, ça permet d'acheter des parts d'immeubles en y habitant. Mais enfin, c'est très flou. On voudrait avoir plus de 3 mois. Il y a dit pas mal. Donc, moi, Marie, voilà, on est architecte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on pourrait arriver avec effectivement peut-être des lois qui sont déjà là, enfin des droits qui sont déjà là, d'installer effectivement là, l'exemple de Marseille où on voit qu'il y a énormément le privé qui prend la main sur le logement dans les quartiers. Comment on pourrait installer en fait une autre forme d'habiter, du coup là pour la part habitation, pas habiter avec un grand H, mais du coup d'autres formes. Alors hier il y a eu une discussion sur l'habitat le matin là des Espagnols qui avaient un exemple à Barcelone justement sur des bails emphytéotiques et des achats de la construction en fait de bâtiments et l'achat de certaines parties on met un peu d'argent et puis quand on s'en va on récupère cet argent, des processus qui permettraient en fait aussi d'apporter une autre typologie de logement et qui fasse peut-être la différence avec aujourd'hui un parc trop privé de logements en centre-ville par exemple. Cool. Alors, on était sur un tour de présentation. Jules Dégoutte, moi je suis co-coordinateur de la Factory d'autre part, qui est une plateforme de ressources qui s'occupe des lieux intermédiaires. Donc, des pratiques d'occupation d'espace qui s'organisent depuis des enjeux artistiques ou culturels entre des artistes, des habitants, des militants et qui dans leur rapport à l'espace construisent des communs. Voilà. Au départ, je suis musicien. Et est-ce que tu as des attentes particulières sur l'habitat comme commun au prisme de ce que tu as? Au rapport à l'habité, en général, disons, en tout cas, moi ce qui m'intéresse, c'est depuis ma pratique, parce que ma pratique, je suis une pratique de reconversion de lieux. et de maîtrise de ce processus de reconversion. Donc il y a beaucoup d'enjeux d'autoconstruction, de... c'est un rapport à la ville en général, comment est-ce qu'on est, on fait de la ville notre demeure, quoi, dans l'endroit qu'on habite en tant que citoyen, et comment ça, ce rapport à l'habiter, quoi, c'est un droit qu'on exerce, le droit d'habiter sa vie, et sa ville, pas juste son espace privé, en fait. Et la ville en général. Ouais. Ça, c'est le même, même sujet. En fait. Oui, oui. Bien sûr. Ok. Moi, c'est Pierre-Alain Carmona. Je suis engagé sur Marseille, à Centre Ville Campus notamment, et puis sur des dynamiques aussi de développement local et dans des démarches de construction, on va dire de projets de territoire avec tous ceux qui travaillent, qui vivent. Et pourquoi je suis là? Parce que je suis curieux et engagé notamment dans une association qui défend le droit à la ville. Ça fait un certain temps qu'on défend l'idée que c'est quand même très proche de la question des communs. On avait travaillé sur la question des communs urbains il y a quelques temps, mais c'est pas forcément encore un mot qu'on s'approprie facilement. Donc nous, on essaie plutôt d'essayer de trouver des objets de questionnement. Et l'habitat, moi je travaille pas mal sur le champ de l'habitat, mais plutôt dans l'habitat social. Et je suis toujours très entendu, en tension, entre une logique qui est quand même beaucoup centrée sur des politiques publiques qui sont très complexes, qui sont très politiques publiques, quoi, quand même très descendantes, avec un pouvoir trop fort de la réglementation, et l'espoir d'essayer d'en faire. Enfin, pas l'espoir d'en faire un commun d'ailleurs, mais de questionner cette pratique-là très réglementaire, très cadrée, avec une culture des communs. Donc ça renvoie évidemment à la place de la propriété privée. Il y a quelques exemples qui s'expérimentent, notamment dans les lieux intermédiaires, hein, par exemple, avec à Marseille notamment, avec la déviation qui a inventé un modèle. Je sais que c'est émergent, pour moi ça fait partie des pistes. Voilà, donc je suis plutôt là, pas pour apporter des choses, mais pour écouter. Comme ça, c'est une occasion d'apprendre. Question. Comment on fonctionne? Peut-être qu'on peut essayer d'avoir une première phase, peut-être une présentation d'expérience qui peuvent être en fait des expériences sur lesquelles on se réfère. Et peut-être après d'être dans une autre période de. Réaction et peut-être voire même de propositions, de voir si ça peut être des propositions ouvertes de travail en disant on a besoin de ça aujourd'hui et du coup on a besoin d'approfondir peut-être présentation expérience et puis travail sur des propositions. Ouais. Ça pourrait faire en deux temps, sachant qu'on a à peu près une heure pour faire ça. Après, peut-être. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire tant d'expériences que ça, peut-être qu'il faut donner une limite, parce que dans une heure, si on prend 10-15 minutes pour décrire une expérience... Ça peut être un 5 minutes, quoi. Ouais. Oui, ça peut être plus, s'il y a besoin. Faire un mètre du temps, aussi. Faire un mètre du temps. C'est ça. En tout cas, il faut penser ce truc-là, parce qu'une heure, ça va vite passer. Puis, de voir qu'il y a des mêmes pages, pour pouvoir continuer à ça aussi. J'ai dit, il y a des échanges de mails, le but c'est de pouvoir créer des liens. Moi je crois que ce que Carole en fait a proposé un peu comme problématique avec Marie, ce qui paraît le plus une demande le plus précise, si je la relis dans ce que j'ai compris, ce serait comment faire de l'habitat autrement dans le centre-ville de Marseille, à partir et au-delà de ce qui existe entre les alternatives, la propriété, les squats, les bailleurs sociaux, et quels outils législatifs existent et de quelle manière on pourrait créer des expériences qui fassent jurisprudence, et est-ce qu'on peut s'appuyer sur d'autres expériences ailleurs. Déjà, cette problématique-là, si on travaille déjà ça, c'est déjà super, c'est parce que c'est déjà précis. Est-ce que si on Est-ce qu'on fait ça, est-ce que ça frustre quelqu'un ou sachant que par exemple le travail que proposait Jawad sur l'exporteur et tout, il peut être abordé aussi sur le temps après sur les économies transformatrices, mais ça peut être aussi un temps de présentation qui élargit à la question plus économique, donc à voir si on peut traiter ça. Les économies transformatrices, ouais, ce sera dans le groupe là, mais le ronde d'après. Parce que moi, concrètement, je ne peux pas apporter, je n'ai pas vraiment d'expérience. J'ai fait des études en géographie, donc ce que je peux dire, c'est un petit peu comment est-ce que les politiques publiques voient la ville et pourquoi est-ce qu'il y a, il y a ces oppositions. Et les Georges Pistel, c'est la ville, c'est dans sa définition, vous avez l'habitude d'avoir des festivités, c'est la ville qui police. Donc à un moment donné, quand il y a des pratiques comme ça qui veulent émerger et qui sont la norme, c'est très rare que les politiques publiques l'acceptent. Ils essayent, ils n'arrivent pas à comprendre et à le voir. Par contre, ce qui est positif, c'est que on est dans une ère urbaine. On est vraiment le monde de demain, c'est un monde qui est très urbain. Il va être urbain, il va s'urbaniser à 80%. Et les villes prennent un pouvoir de plus en plus important, une urbanisation. Et il y a des formes d'action qui sont possibles. Maintenant, c'est à nous de les inventer, de bien saisir un petit peu ce qui se passe. Comportement écologique, autres, les îles peuvent s'affranchir de plus en plus de la tutelle de l'État et décider de faire elles-mêmes. Et automatiquement, dans les PLU, en France, c'est le cas, hein, mais il y a des regroupements, je pense que là, il y a des choses à faire. Alors, je ne sais pas, mais je sais que c'est un champ de possible qui est en train de s'ouvrir avec les petits réglages qui sont les en ce moment, des dérives extrêmes, c'est pas politique qui veulent se mettre au pouvoir. Mais il y a aussi cette capacité aussi pour nous, associations ou collectifs, de venir en contrepoids et de venir imposer ces choses-là à une échelle qui nous correspond et qui peut être porteuse d'une dynamique pour la ville, que ce soit même pour l'économie informelle ou formelle, parce que maintenant tout le monde a conscience qu'il faut changer les choses. Il faut plus de justice sociale et que une ville qui sont retenus sur les mots sur l'attractivité de la ville, s'il n'y a pas dans cette ville un tissu associatif qui prend en compte ces choses-là, la ville ne deviendra pas aussi attractive. Donc je pense qu'il faut avoir déjà en conscience qu'on a un pouvoir qui est émergent en train de naître et qui va être très fort. Juste, je vais répondre à ça. Parce que ce que tu dis, c'est vraiment pas faux, mais ça me heurte un peu. Et du coup, mais je sais pas, vous pouvez rentrer dans mes exemples. Là, on est tout de suite dans un débat politique. Mais ce nouveau pouvoir des villes, qui est très réel, il est construit, tu l'as dit toi-même, depuis des enjeux qui sont des enjeux de pouvoir économique. Oui. Parce que les villes sont les endroits des flux économiques, financiers, de personnes. C'est surtout donc les métropoles. C'est depuis une métropolisation de tissu économique. Et du coup, c'est un pouvoir qui court-circuite complètement les constructions politiques et le pouvoir démocratique. L'interlocution qu'on peut réellement avoir, c'est pas avec sa ville d'ailleurs, c'est avec sa métropole. C'est un pouvoir qui n'est pas élu, pas directement, de façon même. Donc c'est une organisation technocratique de second rang qui n'a pas de compte à rendre au suffrage universel, sur lequel, en tant que citoyen, en tant que puissance, en tant que peuple, on n'a pas de pression. Parce qu'il n'est pas contraint par la souveraineté, parce qu'il n'y a pas d'élection. Donc la possibilité réelle qu'on a d'exercer ce contrôle dont tu parles, elle est très limitée. Elle n'existe que depuis notre capacité à générer nous-mêmes de l'économie. C'est le seul argument qu'on a. C'est ce qui fait qu'en termes d'aménagement urbain, des pratiques comme les miennes, par exemple, des artistes qui réclament des espaces pour pouvoir faire de l'art, n'existent que dans la mesure où ça participe d'une gentrification ou d'un marketing intérieur. Voilà, c'était juste un petit parenthèse. Une attractivité. C'est une petite parenthèse, tu as raison, c'est les métropoles, mais il y a cette petite fenêtre d'action, et je pense que du coup dans les associations, juste pour finir, pour finir avec ça, c'est qu'il ne faut pas trop vite délaisser l'État dans son rôle en tant que représentant de l'État, même si nous on est du côté des communs, à cet endroit-là, l'État, c'est un allié. Contre la privatisation que la métropolisation permet de nos espaces de vie, l'État a un rôle à jouer, de garantir l'intérêt général. En fait, pour revenir sur les questions d'habitat, peut-être moi, il me semblait qu'il y avait un enjeu en fait important de, et qui c'est en lien avec ce que je dis, hein, c'est en fait de revenir sur la question du premier municipalisme et ses résultats. C'est-à-dire le premier municipalisme, c'est eux qui ont été porteurs du logement social. Pour la première génération de municipalistes, des personnes comme Henri Cellier par exemple, en région parisienne, et de tous les liens que Henri Cellier avait dans le cadre de l'Union internationale des villes, l'UIV, donc en réseau avec les municipalistes à travers au départ la France, la Belgique, l'Italie, etc., mais ça s'est ensuite élargi à travers le monde. Ces gens-là étaient clairement en fait dans une perspective municipaliste. Eux-mêmes parlaient de municipalisme, ces groupes-là. Et ce qu'ils ont été capables de penser, ces groupes, c'est la question du logement social. Ce qui n'est pas rien, puisqu'on est encore là pour une grande partie d'entre nous, où quand on essaye de se battre pour le droit au logement, on essaye de créer des logements sociaux. Et donc, ils ont bâti ce cadre conceptuel et pratique qui a été le logement social. Et je pense que c'est intéressant de revenir en fait dans comment ils ont fait ça et à partir de quoi ils ont réussi à créer un truc aussi important que le logement social, si on prend par exemple pour la France, et à la fois de voir après sur le logement social qu'est-ce qui ne nous va pas dans leur alternative, c'est-à-dire quelles sont les limites du logement social et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui peut-être on a certains groupes ont besoin de créer d'autres alternatives que simplement de revendiquer le logement social et proposent d'autres formes. Et donc là, il y a cette seconde catégorie qui sont les coopératives de logement, qui existent également en fait depuis longtemps et qui sont une forme différente, quoique complémentaire, avec le logement social et qui fait partie d'un deuxième groupe d'alternatives qui a cherché évidemment pour les deux de construire des législations propres. Ils ne sont pas seulement cherchés, ils ont réussi à construire des législations propres, des expériences qui ont fini par rentrer dans le droit, et donc on a toute une série d'outils juridiques, administratifs, politiques pour revendiquer la question, le fait que le logement social ou les coopératives d'habitat sont des formes plus justes selon notre point de vue que la propriété privée et la spéculation immobilière. Et donc je pense que déjà d'essayer de qu'on pense en fait la question du logement social d'une part, la question des coopératives d'autre part, peut nous permettre d'essayer de commencer à approfondir en fait le champ pour essayer de répondre à notre problématique initiale qui serait quelles alternatives on aurait par exemple pour quelque chose qui serait de l'ordre un truc aussi gros que le centre-ville de Marseille. Et du coup, quelles sont les propositions que les mouvements des communs seraient capables d'élaborer pour essayer de... Alors, sur chaque chose, je pense qu'il faut qu'on rentre dans le sujet. D'une part, logement social, d'autre part, coopérative d'habitat. Le logement social, en fait, principalement, au départ, les municipalistes, quand ils ont créé le logement social, ils ont commencé par créer des offices publics HLM. C'est les premières formes. D'ailleurs, Henri Cellier n'avait pas réussi à le faire dans le cadre de la ville. Il l'avait fait dans le cadre du département de la Seine, donc il était plus large. Et les offices publics, donc à l'époque, c'était l'office public de la Seine, Et c'est ça qui a permis de créer les cités-jardins, qui sont les premières formes de logements sociaux qui existent en région parisienne, pour rester, disons, dans le cadre français, même s'il y a d'autres variantes en Allemagne, en Hollande, en Belgique, de ces expériences-là. Notamment les expériences belges qui sont très intéressantes du premier municipaliste, puisque le réseau municipaliste était d'abord très implanté en Belgique, en particulier à Bruxelles. Alors, déjà, il y a cet instrument, l'office public de logement social. Il y a différentes dénominations, mais en réalité, ça s'appelle comme ça, c'est Habitat Bon Marché, toute une histoire comme ça. Et la problématique de ces offices publics, c'est qu'ils ont directement, en fait, des instruments liés à l'époque, c'était conseil général, bah, conseil départemental, ou à la ville. Donc, ils ont réussi à créer des organismes à l'intérieur des villes et des collectivités. Et je pense que ça, c'est très intéressant, parce que ça a donné quelque chose qui fait d'aujourd'hui, en fait, ça a été préservé des différents mandats qui se sont succédés dans les villes. C'est-à-dire qu'il y a eu des changements, par exemple à Suresnes, en région parisienne, qui sont les premiers endroits où il y a eu du logement social. Aujourd'hui, c'est la droite, et il y a encore ces offices publics. Pour dire qu'ils ont réussi quand même à créer des instruments qui perdurent dans le temps malgré les changements de mandat, ce qui est extrêmement important pour penser nos alternatives sur la durée, pour pas être juste créer des alternatives si un changement de mandat, c'est plus municipaliste, c'est la droite, tout est effacé. Donc moi, je trouve ça, c'est intéressant, mais il y a eu, pour moi, un problème dans la création du logement social, c'est que, très rapidement, la réponse a été une réponse technique et trop peu démocratique. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même cette question près du logement populaire, du logement à bas loyer, mais la gestion en tant que telle, c'est plus la ville que les gens. Et ça, c'est, je pense, une des principales critiques qu'on est porteur encore aujourd'hui, par exemple dans le quartier de Villeneuve, où la galerie de l'Arlequin, c'est un des grands ensembles qui a été créé par la seconde génération de municipalistes à Grenoble avec les groupes d'action municipale. Ces groupes d'action municipale, quand ils ont créé l'Arlequin, qui est leur principale réalisation, c'est 1000 et quelques logements sociaux, en fait, ils ont créé ça, mais ils n'ont pas suffisamment créé des instruments de participation populaire et de co-gestion par les locataires, qui font que aujourd'hui le quartier est attaqué par les politiques de destruction de logements sociaux, et on se retrouve à devoir inventer des mécanismes de référendum pour revendiquer le droit des locataires dans la gestion du truc. Donc il y a un premier risque sur cette première catégorie là, c'est le manque de participation populaire dans le logement social. Il me semble qu'on peut même le dire un peu plus fortement que ça. C'est pas juste un manque de participation, c'est en tout cas si on parle de commun, c'est le sujet de notre discussion sur les communs. Ouais. Ça, c'est typiquement du public management, un style de gestion publique, d'action publique. On est typiquement dans un style de gestion publique avec sa technicisation, ses constructions hiérarchiques et puis l'absence de droit d'usage et de maîtrise d'usage. Très concrètement, on le connaît tous, je veux dire, dans le HLM, la porte des parties communes qui est à l'abandon et que personne ne répare, et personne des habitants ne peut s'emparer de ça parce qu'en fait, il n'y a que le référent, il faut passer par les services techniques, la régie, et elle n'est pas là, et en fait, du coup, ça pourrit. Et ce truc-là, c'est typiquement ce qui n'arrive pas dans un premier temps. Parce que n'importe qui est là depuis son usage du lieu se sent légitime à changer la chaleur pour le dire. En fait, oui, on aurait dû commencer dans la question en fait, à expliciter pourquoi vous cherchez une alternative à la propriété privée et au logement social. Quoi. On aurait dû préciser les écueils des deux avec la propriété privée, peut-être qui est trop. C'est que c'est encore une forme de propriété privée en fait. Le logement social, c'est une propriété privée. La propriété publique, elle est construite juridiquement de la même façon que la propriété privée. Dans le fond, c'est la même institution. Le droit public français est construit sur le droit de propriété privée. Sauf que c'est le droit de propriété privée. Oui, mais là, du coup, oui, en termes de droit, mais je veux dire, après, pour l'habitant, en tout cas, c'est un détachement total. Tout à fait, mais ça se joue à cet endroit-là parce que, du coup, c'est le droit d'usage qui est complètement attrapé à l'intérieur du droit de propriété. Et ce qui est que l'habitant, comme des possessions, c'est qu'en fait, il n'a pas le droit d'usage. C'est là où c'est un enjeu juridique, je veux dire. c'est là où ça peut se travailler du point de vue du droit, cette question là oui, mais pas seulement du droit, parce que c'est aussi des pratiques, bien sûr, c'est bien que sûr. Les endroits où par exemple on a un comité d'habitants organisé, en fait, ils revendiquent leur droit d'usage. Et ils finissent par le conquérir. Et ils finissent par obtenir que la porte, elle est bien changée. Donc, et rapidement. Et du coup, l'enjeu, c'est bien d'avoir toute cette grande histoire, en fait, des comités d'habitants dans les logements sociaux. Et ça, en fait, on en a besoin. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, on a besoin de comités qui soient des comités organisés. Sans organisation autour du logement, les choses à un moment donné soit sont détournées de leur esprit d'origine, soit donc, on a besoin de ces comités. Et ça, ce qui est un truc intéressant en Europe actuellement, c'est qu'il y a un renouveau de l'activisme social des comités d'habitants à travers l'Europe. C'est très clair, c'est très clair en Espagne avec les comités de locataires, qu'eux ils commencent à peine à créer du logement social aujourd'hui. Et en France, il y a un peu un renouveau avec le community organizing de la création de comités d'habitants dans les quartiers. On a commencé à faire ça à Grenoble il y a pas mal de temps. Il y a le côté du droit au logement, l'organisation droit au logement, qui a quand même le DAL HLM qui est présent et qui a des comités présents autour de ça. Et moi, il me semble qu'autour de la question de l'habiter comme un commun, si on veut essayer de répondre au problème du manque de co-gestion, on va dire, ou de revendication du droit d'usage des gens, on a besoin que ce qu'on soit organisé et donc d'avoir des comités d'habitants. Et d'une manière ou d'une autre, on tourne la question dans un sens ou dans un autre, c'est-à-dire qu'on pense que ça va être le droit qui va nous permettre d'acquérir de nouvelles choses ou pas. C'est pas parce qu'on change une législation que la pratique concrète, elle va changer. Et si on n'a pas de groupe organisé, le droit d'usage, il peut être dans la loi, mais personne ne actionne les leviers. Oui, c'est sûr, c'est difficile. Il faut les deux, hein. En fait, je ne voulais pas parler forcément de construction législative dans l'exercice du droit, mais plutôt de pratique. Mais il y a deux choses très différentes dans la question de cette organisation de comité d'habitants. C'est deux stratégies très différentes. L'une qui consiste à dire le comité s'organise pour revendiquer que l'office public fasse son boulot, et une autre qui est le comité d'habitants s'organise pour faire le boulot qu'il y a à faire entre eux. C'est pas du tout le même enjeu, et il y a des conflits. Il y a des bons exemples de ça, par exemple à Vaux-en-Velin, il y a des architectes qui se sont installés en pied d'immeuble, en collectif, dans une démarche d'ouvrir un atelier d'autoconstruction pour les habitants du quartier, avec cette idée que beaucoup de choses pouvaient être faites par les uns et les autres, pourvu que les outils soient accessibles et clairement documentés, de manière à ce que chacun puisse apprendre à s'en servir. Alors, néanmoins, ça rentre évidemment en conflit avec tout un tas d'enjeux réglementaires. Et aussi, il y a un autre problème, parce que ça, ils ont encore une bonne relation avec l'office. Alors là, je ne sais plus qui c'est, mais peut-être la Sacrée, je ne sais pas. Local, c'est-à-dire le bâti. Donc, ils ont une bonne relation, donc ils ont une marge de manœuvre autour de ce qu'ils acceptent que les habitants prennent en charge. L'autre enjeu, c'est à quel moment on déresponsabilise la puissance publique dans l'exercice de ce qu'elle s'est engagée à faire pour les habitants en faisant ça. Donc, il y a à la fois. C'est pour ça que c'est un peu complexe cette histoire d'articulation entre des formes d'organisation publique et des formes d'organisation en commun. Et comment on l'aménage. Et quand je disais la question du droit de ce point de vue-là, c'était plus du côté des pratiques, c'est-à-dire. Quand tu fais un truc, de quel droit tu le fais ? De quel droit tu préfères toi en le faisant ? Pas la loi telle qu'elle a été votée, mais tu vois, quand moi je m'occupe un lieu, j'ai pas le droit de le faire, mais moi je dis un droit. Mais quand tu parles de substitution de la puissance publique, par exemple, parce que j'imagine que les habitants vont aller réparer quelque chose chez eux. C'est ce qui se passe. D'accord. Ouais. Ça, c'est un problème de clarification, parce que ça pourrait être présenté comme un atelier qui permet plus. De rendre son logement plus proche de loin, évidemment que si c'est pour le rendre décent, ça marche pas. Si c'est pour le rendre décent alors qu'il ne l'est pas, ça marche pas. La frontière est difficile à tracer en fait. Dans un contexte où il y a effectivement une puissance publique qui délaisse. C'est cette question de l'intermédiaire en fait. C'est l'intermédiaire. C'est ça le problème. tout à l'heure, tu disais on aurait dû commencer par la propriété privée. Est-ce que tu peux approfondir ça? Non, je disais que dans la question posée, on aurait dû commencer par le constat qui était pourquoi chercher une troisième voie alternative et pas qui ne soit ni la propriété privée d'un côté, ni le logement social de l'autre. Donc, juste dans la question de départ, mettre des constats justement, la limite du logement social, c'est le manque peut-être de cogestion, alors, du coup, peu de nuances, mais d'appropriation aussi par les habitants, de transformation de son cadre de vie pour le rendre plus propre à ses besoins, etc. Moi, je le nuance beaucoup parce que je pense qu'en fait, le logement social reste une des grandes alternatives qui est sur la table stratégique pour les mouvements sociaux, y compris pour les communs. C'est-à-dire que loin de moi de dire le logement social serait limité, parce qu'aujourd'hui il répond clairement en fait à un besoin, il y en a des dizaines de milliers. C'est un modèle par exemple pour Barcelone en commun, ils ont fait quoi leur politique logement? Créer du logement social. Donc même, je veux dire, les plateformes politiques qu'on dit étant celles qui sont le plus avancées, etc., en fait, pour l'instant, ils en sont à reprendre le modèle du logement social et essayer de l'appliquer dans le contexte espagnol, puisqu'ils n'en avaient que 1%. Nous, on a 23%. Environ 2%. Donc, et la Hollande, 40%. Avec des choses très très différentes qu'on met dans le logement social. Mais n'empêche qu'il y a une première grande catégorie qui est celle-là. Et moi, il me semble que dans cette première catégorie qui est le logement social, il y a des propositions qui seraient de l'ordre de réforme du logement social pour essayer de trouver les opportunités pour créer plus de communs dans le logement social existant, voire de créer, par exemple, ce qui s'est passé rue de la République. C'est-à-dire que c'est une des plus grandes victoires, malgré toutes les défaites qu'il y a eu sur la République, mais c'est une des plus grandes victoires qu'on a connues ces dernières années. 500 logements sociaux créés à la rue de la République, c'est pas rien. Alors, on peut dire oui, mais attends, c'est 500 logements sociaux, c'est la Société Nationale Immobilière qui les gère, il n'y a pas le droit forcément au retour des familles, etc. Évidemment. Mais n'empêche qu'il y a 500 logements sociaux qui sont là, ils appartiennent plus à je sais pas quel fonds de pension à qui ils appartenaient. Et ce sont des petites victoires intermédiaires, pas la commune, mais c'est intermédiaire. Et moi, je pense que la préservation de ces acquis-là, voire leur transformation, y compris dans des versions radicales, doit être au centre de l'agenda. Et après, il y a la deuxième catégorie. Et je pense que la deuxième catégorie sur les coopératives de logement, elle est trop peu explorée en France. Elle est inconnue, trop peu de pratiques. Et les rares pratiques qui existent, pour l'instant, sont des pratiques qui sont très minimes et qu'on n'imagine pas étant celles qui permettraient de répondre aux enjeux, en particulier du logement populaire. C'est ça le gros problème. Parce qu'on ne connaît pas. Oui, bien sûr. Ça, c'est des choses qui sont... En fait, on a pris un énorme retard en France sur ces sujets-là pour une raison très simple, c'est que justement en France, l'État social a pris en charge tout ce qui pouvait relever du champ des communs, et c'est une construction politique qui date de la Révolution française. On a éradiqué tout ce qui relevait des pratiques de communs en France depuis la construction de la République française et de l'État fort. Et notre État social, il vient de... Pas du 19e. Ouais, c'est beaucoup... Pas du 19e. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus... C'est pas comme on dit. C'est pas. C'est... On a commencé à en faire du usage. Il y a eu des dynamiques. C'est pas du tout. Oui. En fait, si, quand même. Ça commence avec la construction de la Constitution républicaine, et le Code Napoléon établit ça de façon transparente. En fait, le droit public est fondé à ce moment-là. C'est le début du 19e. Sur la propriété privée, que je disais tout à l'heure. Pas l'État social. Non, d'accord. Pas l'État. Pas l'État social. L'État social est une conséquence tardive de ce premier mouvement. L'État juridique, en fait. Voilà, c'est ça. Excusez-moi. Non, c'est quand même dans ce que vous dites, c'est qu'en fait, l'État social, en réalité, il était construit, y compris à partir des services publics locaux. C'est ça, mais à partir de la notion Non, mais du coup, c'est pas tout de suite l'État. Non, mais... Et ça, on l'a souvent oublié, c'est que dans notre dynamique, en fait, de créer des services publics locaux, En fait, si on a même par exemple le service de santé a d'abord été créé par les villes avec des services de santé dans les villes avant qu'on ait une politique nationale de santé. C'est pas vraiment l'importance. Là où je veux en venir, je finis avec ça, ça me paraît vraiment très important, c'est que en fait, s'il a été possible qu'on s'intéresse aussi peu aux enjeux coopératifs en France, et notamment sur les enjeux d'habitat, si on compare avec l'Allemagne par exemple, c'est précisément parce qu'on avait un État social fort qui pourvoyait par une réponse de logement social. Et moi, je fais une nuance de ce point de vue-là, notamment si on réfléchit à la question des communs, parce qu'en fait, les logements sociaux ont aussi, à un certain nombre d'endroits, été des façons non seulement de l'empêcher, mais aussi d'éradiquer le commun. Par exemple, les bidonvilles de Nanterre, qui ont été remplacés par des grandes barres HLM, on les a beaucoup dévalorisés. Dans notre imaginaire, c'est quelque chose de sale. Il y a des travaux magnifiques d'anthropologie qui montrent combien, en fait, ces espaces-là étaient typiquement l'endroit d'exercice d'un droit à la vie depuis des constructions de communs très fortes. Et depuis une appropriation de l'espace par les habitants, depuis un droit d'usage et une pratique d'autoconstruction qui était beaucoup plus émancipatrice que les barres ensuite qui ont été imposées par l'État. Et ça, je crois que il faut interroger cette complexité-là. C'est pour ça que moi, je ne me rendrai pas aussi évidemment à... Je ne veux pas non plus minimiser l'hypothèse du logement social, mais les conditions dans lesquelles il est possible qu'un logement social retrouve les dimensions de commun, ça implique une transformation de l'action publique en profondeur, une communification de l'administration publique et du droit public. Alors il y a des gens qui travaillent là-dessus, mais s'il n'y a pas ce travail-là, ça n'aura pas lieu, parce que l'esprit de l'organisation des institutions publiques, construit depuis le droit public, est incompatible avec les communs, en l'état actuel. On peut obtenir plutôt plus de la consultation ou de la participation. Je ne crois pas. Mais certainement pas de la gestion. Actuellement, par exemple. Pardon. Voilà. Non, mais du coup, ça me fait penser aussi, ça renvoie aussi du coup, à la question de l'économie informelle. Parce que peut-être que c'est la question du bidonville, de ce qu'on nomme bidonville, qui peut me faire penser à ça, mais le bidonville, c'est aussi... Ces bidonvilles dont tu parles, c'était aussi peut-être les lieux d'activité aussi des lieux de création. Et qu'aujourd'hui on peut retrouver dans des quartiers de logements sociaux peut-être sous d'autres formes, mais en tout cas la forme livrée est quand même beaucoup moins facilement appropriable et moins facilement support de ce type d'économie quand même. Enfin, je ne sais pas, toi, tu connais peut-être plus sur le terrain, mais enfin, en tout cas, je trouve qu'il y a un lien quand même entre cette histoire de co-gestion et d'économie informelle. À faire et dans les propositions, parce que nous, si on revient au cas pratique de proposer des choses pour le centre-ville de Marseille, je pense qu'il faut quand même qu'on garde à l'esprit aussi cet aspect économique, parce que mixité de fonctions, économie, possibilité aussi de pouvoir avoir sa petite activité autonomie, en bas de chez soi, de voilà. Ça fait écho un petit peu à le monde. C'est vrai que le monde, c'est une métropolisation du monde qu'on vit. Et du coup, il y a un schéma qui est fait parce qu'on ne produit pas la ville en Occident comme on l'a produit en Occident. Et par exemple, ce qu'on constate dans le Sud, en Afrique ou ailleurs, c'est que justement, on ne peut pas avoir ces bidonvilles parce qu'ils donnent une image qui est négative, une image qui est normée, parce que la ville subit des normes. Une ville d'aujourd'hui, elle doit être connectée, ça doit être la smart city, c'est la ville qui lutte contre le réchauffement climatique, etc. Donc elle a des codes à respecter, et les logements sociaux ou dans les pays du Sud, les bidonvilles ne correspondent pas à une image qui n'est pas attractive de la ville, donc on essaye de normer ça. Et ce qu'on constate, c'est que quand on enlève ces bidonvilles, qu'on voit comme du bâti et non pas comme un construit social, les gens ont créé des liens sociaux, ils ont créé une économie, et malgré qu'on les emmène loin, ils reviennent ici pour essayer, dans un premier temps, ils essayent de nous remaintenir, de recréer dans le même lieu tout le lien social qu'il y avait, que ce soit les commerces, leurs habitudes, etc. Donc il y a effectivement un lien social. Est-ce que c'est intéressant pour vous de, justement de faire cette mixité d'usage? Et je pense qu'il faut apporter cette dimension-là dans la ville, où il faut faire attention à qu'est-ce qui est créé à centre-ville comme ici, qui est populaire, ne va pas vivre de la même manière. C'est une utopie de croire que parce qu'on va gentrifier, on va garder l'âme. L'âme, elle disparaît. Et donc, peut-être que la solution pour faire, peut-être que dans la nouvelle forme d'habitat, il y a cette dimension-là qui doit rentrer en compte pour que ça puisse fonctionner. Sinon, ça peut péricliter et le retrouver dans quelque chose qui échappe à l'idée originale. C'est marrant parce qu'une partie des travaux sur lesquels on s'inspire à Villeneuve pour penser la question de l'économie transformatrice, c'est les travaux qui ont été faits de Alain Tarius sur Belzunce. Et en fait, c'était le premier, Tarius, à regarder Belzunce, où tout le monde disait, en fait, Marseille, c'est la désindustrialisation, et donc il faut une nouvelle dynamique. C'est ça qui va donner après Euromed et le tourisme, en gros, parce que, en gros, ça a périclité, donc il faut un nouveau truc, il faut un nouveau moteur. Et Tarius dit, mais vous êtes aveugle ou quoi? Le moteur est déjà là. C'est la mondialisation par le bas, parce que les gens ne vous ont pas attendu pour construire leur propre lien au niveau global même. Et ce qu'il a développé avec la mondialisation par le bas, en montrant que Belzunce, en fait, c'était devenu une plateforme pour apporter, nous, le jeudi après-midi à Villeneuve, les camions montent de Marseille. Le vendredi matin à Échirolle, les camions descendent de Villeurbanne. Le samedi matin à Saint-Bruno, les camions arrivent de Turin. Et du coup, l'économie informelle des gens qui, de par leur propre intelligence de réseau, ont développé en fait des liens avec leur trafic, etc., se connectent avec une série de circuits. Ils ont une connaissance des réseaux de gens, de populations, de quartiers, etc., qui est très fine, qui de notre point de vue, en fait, est notre point de départ pour penser la question d'une économie qui serait transformatrice. Et si on part pas de ça, on va se retrouver à créer une forme où nos alternatives vont aboutir à de la gentrification, parce qu'en réalité, c'est ce qu'est la population. Donc on doit partir de là où on en est dans nos quartiers respectifs. Oui, mais après, tu vois, par exemple, moi, ça me fait penser à quelque chose qui est là plutôt l'habiter, le droit à la ville, le droit à habiter avec un grand H, mais tu vois, cet exemple-là, il y a aussi la question de la préservation, tu vois. Nous, on vient de vivre et on supporte difficilement ce qui se passe sur la Plaine aujourd'hui, qui est un des quartiers de Marseille où il y a eu une volonté de rénover sans prendre en compte en fait l'essence même du lieu qui était ses habitants et tout ce qui est effectivement ce lien social informel. En fait, le problème, c'est qu'il y a ça aussi dans notre recherche, c'est comment on pourrait, est-ce qu'il y a des ressources aujourd'hui légales, alors on l'a cherché, il y a tous ceux qui sont des militants aujourd'hui et qui se sont battus pour la Plaine, on s'est confrontés à des murs, et c'est-à-dire que en fait, les pouvoirs publics ont fait sans nous. Et là, on est en train de... tu vois, du coup, au-delà de construire quelque chose, là, toi, tu parles d'un quartier qui existe, où tu maintiens l'existence d'une économie informelle, mais quand nous, effectivement, il y a des choses qui existent, les pouvoirs publics te l'enlèvent, et on n'a pas trouvé de solution pour, conserver ce droit. On nous a enlevé le droit d'habiter, le quartier, et on sait que ça va générer de la gentrification, qu'il y a beaucoup de gens qui vont partir, etc. Enfin, tu vois, il y a ça aussi. Oui. Nous aussi, tu vois, on est, le quartier, il est en pleine transformation, il y a des démolitions de logements sociaux, on se bat contre, donc on est menacé. De toute façon, les espaces métropolitains, tous sont menacés, à plus ou moins, et grande échéance, ça dépend là où il y a le cœur à qui se battant. En ce moment, nous, c'est la centralité sud. La centralité sud. de la métropole et tout qui a, parce que c'est là où il y a du foncier disponible et du verre et du verre et du coup il va avoir de nouvelles populations ingénieurs qui vont arriver là-bas. Donc évidemment il y a aussi ces menaces. Alors comment résister vis-à-vis de ça? Quels sont les instruments qu'on peut faire? Non mais comment transformer pour que ça ne devienne pas une menace? Parce que moi là ce que je dis, c'est pas, je suis pas contre le fait de l'amélioration de ton environnement, tu vois, je suis plutôt sur une posture de une transformation profonde, mais tu vois, enfin, faut pas être contre la transformation d'un lieu s'il est positif pour tout le monde, tu vois. Mais c'est comment fixer un petit peu l'identité de ce quartier, de l'avenir. Là, c'est une question qui, je sais pas, est-ce que ça peut passer par moi, je m'interpelle toujours par qu'est-ce que c'est que la plupart des populations qui est migrée de Marseille, c'est particulier parce que le bateau 3 etc. Donc, qu'est-ce qui fait que la plupart des gens vont acheter au Maroc, vont acheter en Algérie, vont dépenser des fonds à plusieurs achats qui existent et qui troublent encore plus la lecture de la pauvreté parce que du coup, c'est moins cher, certes, pour prêter, il y a des conditions qui font que, mais il y a une énergie qui se focalise là-bas qui était justifiée par les parents, par la famille, etc., mais qui, 30 ans, certains 40 ans, certains 30 ans, ne se justifient pas et que les enfants maintiennent. Donc, cet argent qui est disponible, pourquoi est-ce que... Alors qu'il y a une identité en parallèle, il y a une identité qui est très forte dans le quartier où ils ont fonctionné, à Marseille ou ailleurs, et ils veulent rester là. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, est-ce que cet argent qui est disponible, pourquoi est-ce qu'ils ne le réinvestissent pas ici et ils se fixeraient? Je veux dire, ça, j'arrive pas à comprendre. Je pense qu'il y a quelque chose dans l'ordre social, pourquoi est-ce qu'ils se sont inscrits dans ce quartier, comme à la Villeneuve ou ailleurs. Ils sont de ce quartier, ils veulent rester dans ce quartier, même s'ils vont s'écarter un petit peu, ils restent à peu près dans la ville, ils vont revenir produire pour la plupart des habitudes de consommation ou d'achat ou de fréquentation dans ce quartier qui maintient une identité. Et qu'est-ce qui fait aussi que ces habitants-là, à un moment donné, n'arrivent pas à se dire, à passer des cas, de se dire on est entièrement dans ce quartier et surtout les enfants et on achète. Donc je ne sais pas si peut-être qu'il y a aussi de ce côté-là les habitants eux-mêmes, est-ce que qu'est-ce qui fait qu'ils ne se fixent pas? Est-ce que peut-être, alors je vais peut-être me faire. Est-ce qu'il n'y a pas une solution temporaire, enfin pas temporaire, mais transitoire, de se dire que ce serait bien d'avoir une accession de loyer, comment on appelle ça, comme ça existe à un moment donné, on payait un loyer pour accéder à son logement, ou quand on était dans le logement. Section sociale à la fin. Voilà, donc est-ce qu'il n'y a pas plutôt essayer de fixer, d'en faire des propriétaires dans une nouvelle coopérative, et c'est ça qui garantirait peut-être. La grande alternative qui nous a été créée, qui nous sont léguées par l'Amérique latine, c'est la production sociale de l'habitat, le PSH. Et du coup, la production sociale de l'habitat, c'est ce que tu dis, c'est dire à un moment donné, en fait, faut même se réapproprier la question de la propriété, de tel point qu'en fait, qu'on considère même la propriété collective comme étant une production sociale de l'habitat qui est plus large, et donc avec des mécanismes de transfert pour éviter en fait de rejeter en fait les formes où dans nos mouvements on a parfois eu tendance, et en réalité en fait ce qu'on discute dans les mouvements, y compris dans des espaces comme ça, en fait ça crée, même là ça crée des fois des stratégies qui nous ont emmené en fait où on s'est trop limité. Et du coup, la production sociale de l'habitat, c'est-à-dire il y a une diversité de stratégies, des coopératives, du logement social, parfois même des copropriétés, même des fois la propriété privée, etc. Mais nous, on se centre sur la question de comment on capte la valeur. C'est-à-dire comment le capitalisme, il capte la plus-value foncière et immobilière, du produit, on va dire, immobilier. C'est son grand... Donc tout le monde est à la recherche de la plus-value. Comment, quand je vais acheter un bien, quand je demande à un petit artisan qui investit dans un petit appartement pour louer à des étudiants, ce qu'il a en tête, le petit artisan qui fait ça, qui lui est conseillé par les banques, c'est comment je vais avoir de la plus-value sur mon bien. C'est son truc, c'est entre son investissement et le quand il va le vendre, la plus-value. Nous, la question, c'est quels sont les mécanismes de captation de la plus-value. Qui sont ces captations de la plus-value en vue de voies de redistribution. Ça, c'est, moi, je pense que c'est une piste qui est proposée par les plateformes PSH de créer des mécanismes de captation des plus-values qui sont extrêmement forts parce que c'est celles qui vont nous permettre de financer les prochaines opérations. C'est-à-dire que si on pense à socialiser la plus-value foncière immobilière, on comprend qu'il y a des fonctionnements où il y a de la plus-value. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils s'attaquent au logement social. C'est-à-dire qu'ils s'attaquent aujourd'hui au logement social pour capter la plus-value dans le logement social. La politique de l'ANRU, c'est ça. D'ailleurs, ils le disent, ils écrivent des bouquins, ils sont des idéologues pour ça, des économistes, et ils captent la plus-value. Alors, des propositions telles que des mécanismes de captation de plus-value foncière et immobilière au profit de la communauté, moi, me semble être des bonnes pistes et qui sont des pistes proposées d'ailleurs depuis des années par exemple les Mexicains qui travaillent sur là-dessus. Il y a un dispositif qui existe maintenant sur des points. Le bail réel solidaire qui a été qui est aujourd'hui piloté par des organismes en fait de foncier qu'on appelle les organismes fonciers solidaires et qui en fait achètent le système. En fait, c'est légal, hein. Enfin, ça commence à se développer, bon, ça se déploie très très faiblement, mais c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en fait on déconnecte le foncier, la propriété du foncier de la propriété de l'appartement ou de la maison, et en fait cet organisme-là achète le foncier, construit, on achète, donc la personne qui achète, en fait elle achète le bien, mais elle achète le foncier en location longue durée. Et en fait, il y a une perte de 30 à 40% du prix du foncier, de fait. Donc ça permet à des familles qui n'ont pas beaucoup d'argent de pouvoir accéder à la propriété dans un processus d'accession sociale à la propriété. Et alors, le problème, c'est que c'est une ouverture qui a été qui est expérimentée un peu dans quelques régions. Il y en a dans le Nord, il y en a en Aquitaine, enfin, il y a quelques trucs comme ça, mais c'est très modeste. Moi, ce qui me fait chier, c'est qu'en fait, c'est très visible en termes de com. Mais fondamentalement, c'est pour. Moi, ça me donne un peu le sentiment. C'est là aussi, on renvoie à la stratégie. C'est-à-dire, ça donne le sentiment que c'est la vitrine. Regardez, on peut faire ça. Mais fondamentalement, en fait, on ne déploie pas derrière. Parce que, évidemment, ça enlève la captation du foncier, qui est quand même aujourd'hui la plus value principale des grands investisseurs, on va dire. Et quand tu dis un organisme achète le foncier, c'est quel type d'organisme ? C'est un organisme public. Alors, c'est souvent, notamment dans l'Union sociale de l'habitat, là aussi, il y a différents statuts, en fait, de l'habitat social. Enfin, moi, je suis d'accord avec toi, David, sur le fait que c'est quand même c'est un combat. C'est un acquis social, quoi. C'est un droit qui est attaqué, mais qui est aussi dans la diversité aujourd'hui. Tu as des statuts publics qui sont pilotés par les collectivités et qui ont été quand même assez déroulés. Et ça a été des outils de capitalisme. Et puis tu as les sociétés privées, en fait. HLM, qui bon, elles sont HLM, elles ont donc une réglementation très stricte, mais et elles vendent aujourd'hui plus. Des HLM de haut niveau plutôt que du PLS, je crois que c'est le PLS le plus bas, c'est ça. Et en fait, donc, et en plus, avec la dernière loi, ça ne va pas les amener à développer vraiment l'accession au plus pauvre. En fait. Donc, moi j'aurais tendance à dire, c'est que c'est l'USH, c'est quand même c'est un masque de l'Union sociale d'habitat, c'est très politique, hein, quand même. La gauche a été très investie dedans en termes. Professionnels de la politique, on va dire. C'est des espaces sur lesquels on pourrait les interpeller pour réfléchir à la question des communs. On était présent à la plateforme globale pour le droit à la ville au Festival international à Lyon, qui était avec tout le bazar du SH. Et chaque année, il y a cette histoire du c'est le festival international du logement social. Mais c'est ça présent au congrès. Et après il y a le congrès, les congrès là, et les congrès de l'USH. Il faudrait y aller. C'est là, c'est le monde. Il faudra avoir des stratégies. Pour avoir été dedans à deux occasions, on va dire. C'est le monde là, clairement, de tout le travail pour les. Tout à fait d'accord. Enfin, c'est, d'ailleurs, j'ai entendu parler de ce truc parce qu'on avait parlé de cet événement à Lyon. Mais congrès de l'USH, on est vraiment dans le. Parce qu'en fait, le problème de l'US, de l'USHM, c'est que c'est quand même des gestionnaires qui sont. Moi, en plus, je bosse avec un certain nombre d'entre eux, notamment sur une expérience à Aix. À part quelques-uns qui à l'intérieur se rappellent, qui sont à vocation sociale, la plupart sont des gestionnaires. Alors après, on peut mettre la faute à l'État, à la réglementation, à la pression financière, à la pression des élus, parce que tout ça, c'est très américain, certes. Mais en tout cas, ça pense pas vraiment dans ce milieu-là. Franchement, il y a en termes de. Donc la question des communs, ça serait intéressant de les interpeller, donc de trouver quelques alliés à l'intérieur. Et cette situation, il faudrait creuser la question du bail solidaire, là, pour voir comment. Et la question de Noailles, typiquement, on pourrait imaginer ça. C'est-à-dire que demander à ce qu'un organisme, ou la fédération des COP, en fait, parce que là aussi, dans l'USH, il y a la fédération coopérative des HLM. Enfin, il y a les SA, on va dire, privés d'HLM, il y a les établissements publics et il y a les fameux HLM, les COP HLM, COP HLM, qui fait plutôt de l'accession sociale à la propriété, qui est un des acteurs historiques du logement, mais qui est minoré en fait. Voilà. C'est ça le problème. Mais c'est eux d'ailleurs qui vendent beaucoup la question du bail solidaire. Il faudrait voir comment on peut peut-être au minimum les interpeller sur les aspects très techniques, puisque la question que tu posais, Carole, c'est compliqué quand même. Sur le plan juridique, ça demande une bonne connaissance et pour argumenter justement et interpeller ensuite les politiques et la population. Parce que là, typiquement sur Noailles, je pense qu'il y a un enjeu. L'expérience évoquée ce matin, là, je fais partie un peu d'un groupe qui questionne comment on fait des espaces publics et comment on essaie de repenser. D'être proactif dans les propositions, mais c'est compliqué. Hein. Donc il faut se nourrir. Enfin, moi, je suis là aussi pour essayer de voir quelle stratégie on met en place. D'abord sur des communs de la connaissance, parce que moi, je pense que c'est la base de partager cette connaissance. Et pour faire de la stratégie, quoi. Je trouve qu'il y a des pistes aussi à explorer par rapport à dans d'autres domaines, ce qui est proposé par Barcelone. Une des expériences présentées ici, c'est avec la Hydra, comment ils mettent à disposition les équipements publics, là, toute cette histoire-là. Ouais. Moi, je pense qu'un des trucs qu'ils ont inventé, c'est la comptabilité sociale, je ne sais plus exactement comment ils l'ont évoqué, le nom exact. Mais c'est de dire en fait ce que produit l'en commun, l'agir en commun dans les personnes qui occupent un lieu, en fait ça a une certaine valeur qu'on met en fait en comptabilité et c'est là-dessus qu'on s'appuie pour faire reconnaître que la collectivité mette à disposition d'eux. Et je pense qu'on pourrait s'inspirer en fait de choses comme ça par rapport à l'habitat, c'est-à-dire tout ce qui est de l'agir en commun dans le cadre de l'habitat, le comité de locataires qui se mobilise, qui fait la réunion. Nous, par exemple, on en est à notre 85e réunion de suite hebdomadaire sans interruption, y compris toutes les vacances scolaires, le Noël et le machin, etc. et tout, parce qu'en fait, on a des personnes qui risquent de se faire expulser, etc. et toutes les semaines, il y a un truc, quoi. On est sur un truc, à un moment donné, c'est des milliers d'heures collectives d'essayer de trouver des solutions pour un tel. Et là-dedans, il y a tout un travail de fond qui est de l'agir en commun. Et au fond, en fait, de notre question des communs, c'est quand même ça. C'est une question de l'agir en commun. Et je pense qu'on devrait essayer de trouver les stratégies de comment donner à voir en fait tout cet agir en commun pour le faire reconnaître en vue de rentrer dans les politiques municipales. En disant, attendez, vous contribuez d'accord avec le système de financement, mais nous on a évalué ce qu'on apporte à travers l'agir en commun à la question d'habiter au sens large, et voilà ce qu'on apporte, et c'est là. Alors maintenant on fait comment ? Parce que vous apportez ça, d'accord, mais nous on apporte ça. Et du coup, je pense que c'est les bonnes stratégies, puisque là à Barcelone on voit que cette évaluation comptabilité sociale de l'agir en commun dans les équipements permet juridiquement de devenir un système en fait de comptabilité pour la mise à disposition du lieu. Et nous, on pourrait avoir ça en vue, par exemple, de dire bah, ça, c'est valorisé, y compris c'est valorisé en part sociale. Parce que dans les coopératives d'habitants, quand par exemple, dans les coopératives, par exemple, de la Drôme ou d'autres endroits, quand les habitants disent bah, moi, je vais contribuer au jardin, et ça permet d'améliorer en fait l'ensemble de la coopérative parce que ça donne de la qualité de vie, ça donne de la valorisation on va dire à l'ensemble. Et ben c'est valorisé en part sociale, tu vois, c'est-à-dire ouais, c'est, tu vois, c'est intéressant. Et, ouais. Et alors il faut pas tout comptabiliser, voilà, c'est ça le piège, parce que tu monétises. Il faut pas monétiser. Non, tu c'est pas de la monétisation, c'est des parts sociales. Oui, mais dans une comptabilité. Oui, mais la part sociale n'est pas forcément en fait que de la question de l'argent. Oui, il peut être traduit en argent, mais il peut être traduit en différents ressources. En échange de services. En échange de services, etc. Et là, avec tout ce qui est monnaie locale, toutes ces choses-là, on a pas mal de choses à inventer. Qui peuvent être des pistes. Alors, ça m'intéresse le truc de. Moi, j'ai aussi un réflexe des populations qui donnent cette identité sociale. Si elles ne sont pas propriétaires, je pense que c'est une des techniques, peut-être, pour garantir quand même une évolution et permettre des 34 ans. Il reste 10 minutes. Est-ce que tu pourrais nous passer tes notes, toi? Oui, bien sûr. Enfin, je sais pas. On met en commun les notes. C'est plutôt déjà une base informatique que tu nous as fait passer. Très bien. Il y a il y a un pad. Qui est le pad général. Donc peut-être à partir de ça, tout le monde peut contribuer au pad et on complète chacun à partir de ce que éventuellement on apporte les références. Il y a également, dans le cadre du travail de plaidoyer sur les communs, dans le cadre des élections municipales, de manière générale, il y a toute une fiche foncier et une autre fiche habité. Et du coup, qui peuvent être des pistes. Il y a les ressources sur la production sociale de l'habitat qui peuvent être des pistes. Je crois qu'il y a Urbamonde qui s'installe à Marseille. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, Pierre. Alors, Urbamonde, c'est l'un des réseaux internationaux des coopératives d'habitants. C'est eux, au niveau du partage du commun de la connaissance, c'est un de nos pôles ressources parce qu'ils traduisent. Et tout ça. Et ils sont basés pour l'instant à Genève. Et ils s'installent un bureau à Marseille. Ça pourrait être mis. Ils sont alliés ils vont chercher d'ailleurs des contacts qu'ils ne connaissent pas. Donc ça peut être une piste aussi très concrète pour Marseille avec Urbamonde. Et puis nous, avec la question de l'informel, on pourra apporter aussi un peu des choses sur déjà ça. Je sais pas si ça a répondu aux autres. Je crois qu'il y a des pistes quand même. Enfin, tu vois, par rapport à ce qu'on disait, enfin, l'idée c'est pas de réinventer, mais c'est de faire avec ce qu'on a déjà et comment faire évoluer. Et tu vois, par exemple, tout ce que tu disais là, moi, ça m'a vachement intéressé quand même sur... effectivement, on n'est pas spécialiste. Et là, il y a plein d'expériences, justement, de plutôt spécialisées qui donnent des pistes sur... c'est déjà là, en fait. Il faut juste arriver à l'imposer d'une certaine façon. Tu vois. En fait, c'est la stratégie qui fait qu'à un moment donné, on peut imposer un modèle qui existe, la loi. Hein. C'est ce que tu disais, voilà, c'est comment en fait tu arrives, moi quand je pense à la plaine, si on avait vu imposer en fait autour, en pourtour, en périphérie, avec tu vois, une distance absolue par rapport à cette polarité urbaine, un espace partagé qui était un espace commun, donc qui redevient un espace public, mais bon bref, bah, du coup, peut-être qu'avec ce qui est déjà là, on aurait pu implanter, tu vois, avec les règles, des logements qui permettent d'éviter une gentrification ou trop forte. L'observatoire qu'on met en place avec Elisabeth, dans le cadre du centre qui a repéré l'ensemble du bâti en fait en situation aujourd'hui dégradée. Donc avec une cartographie, c'est une géographe qui bosse, qui a vraiment un outil aujourd'hui numérique de cartographie, qui est pour le coup un commun. Elle aura pu venir d'ailleurs, il me semblait qu'elle était. C'est dommage pour le coup, parce que c'était très concret, on aurait pu faire la projection. Parce que là, on est dans un commun de la connaissance. Elle, avec son laboratoire, elle a accès à la donnée publique, elle analyse, elle fait bosser dans le cadre pédagogique à son étudiant, où il bosse, et elle le met au service de la société civile, de centres pour tous, des acteurs. Ça démarre, donc elle est en période, on va dire, un peu bêta, quoi, test, mais c'est un outil qui, pour moi, est un levier, vraiment, d'interpellation, de repérage. Par exemple, typiquement, la conséquence, c'est qu'on a repéré ça, et maintenant, on fait des propositions concrètes. C'est-à-dire, bon, ben là, il y a un bâti, on propose que vous l'habitez. Alors là, il y a une stratégie, soit c'est. L'établissement foncier régional, soit on sollicite la coopérative des HLM pour acheter ça, et ensuite de faire de l'accession, enfin, d'être force de proposition et potentiellement de construire une stratégie d'interpellation publique. Oui. Bon, et là, on varie entre l'insulte, l'occupation et. Si vous avez une géographe comme ça, enseignante, qui peut le faire travailler en UE à ses élèves. Oui. Bah, on a ça. Ouais, c'est quand même. C'est un petit peu facile. Hein. Oui. Sur une lecture. Bien sympathique. Il y a une recherche en cours d'un état des lieux 2020 des expériences d'interaction chercheurs droit à la ville qui du coup pour essayer de refaire un peu un état des lieux. En gros, on a 3, 4, 5 sites en France. On a Nanterre qui est le lieu historique parce que c'était là-bas où il y avait Henri Lefebvre et compagnie, et on a encore des personnes qui sont à Nanterre avec une tradition à Nanterre, des sociologues donc on a Nanterre, on a le pôle à Grenoble avec du coup les géographes, l'école d'archi, tout ça qui est avec PAC ou l'Institut d'urbanisme qui est à cet endroit-là avec un peu des liens avec Sciences Po, et après il y a ces expériences quand même ici avec un peu pour tous, avec Anne les Escobar et puis toute la... C'est la LPE, c'est pareil. Hein. Voilà. Donc il y a ça. Ce que tu dis, ça rajoute, comme c'est Elisabeth. Après, il y a deux ou trois autres endroits. Il faut regarder un peu du côté de Lyon et tout. Mais cet enjeu de influencer au niveau de faire remonter nos expériences et aborder dans le cadre de l'agenda de recherche, se dire ben voilà, en fait, sur le terrain, nous, les questions qu'on a, c'est ça et ça et ça. Et du coup, d'essayer de les faire remonter en tant que problématique pour qu'il y ait des gens qui travaillent dessus et que ça mouline et qu'ensuite. On puisse s'appuyer sur leurs travaux pour influencer les politiques publiques. Donc ça, c'est en cours. Il y a tout un travail, toute une stratégie qui se fait de ce côté-là. C'est intéressant, mais moi, ce qui me fait vachement peur, en fait, tu vois, quand tu l'associes à la recherche, c'est la temporalité. En fait, on est sur des temporalités qui ne sont pas réelles. Parce que comment tu viens après appliquer des travaux de recherche sur une urgence sociale et de logement, enfin tu vois, ça va être compliqué. Je veux dire, la stratégie aujourd'hui politique, par exemple sur le cas de la Plaine, elle est déjà là, elle est en train de se faire, et ça va aller hyper vite. C'est-à-dire que dans 2 ans, c'est bon, il n'y a plus rien à faire. Oui, mais regarde, tu vois. Mais, en fait, après, c'est pas le faire saisir par un laboratoire. Oui. C'est de le faire saisir en UE, dans un lieu de travail qui va durer 3-4 mois. J'ai vu qu'ils ont fait ça pour Nerpic autrement, c'est une friche industrielle qui va être convertie en centre commercial. Et il y a un prof qui s'en est saisi, qui a travaillé avec les élèves. Et du coup, il a fait une production. Ils ont eu 3-4 profs à bien gérer TD à Grenoble. à Grenoble. Et ils ont fait quelque chose, une structure lancée, de lisible par tout le monde, et très concret, et qui est par un attaque à donner, voilà, une cartographie, un état des lieux, et ça, ça, ça, ça, et du coup, ça a servi d'un. Ça répondra à l'urgence, c'est sûr, ça répondra jamais à l'urgence, l'urgence, ça se répond par l'activisme social, mais dans la stratégie, on a besoin de ça, de parce qu'on travaille, la stratégie travaille toujours l'urgence et moyen terme. On travaille aussi. Pour le centre-ville de Marseille, bon, bah, donc, il y a des choses à faire en urgence à la plaine, ça n'empêche pas d'anticiper. Bien sûr, il va servir des fois à d'autres, des fois c'est des trucs qu'on va faire qui vont servir dans d'autres contextes, des fois. Du coup, c'est toujours bien d'essayer d'avoir aussi dans l'ensemble des stratégies qu'on peut développer, il y a évidemment l'influence des politiques publiques, mais l'influence des agendas de recherche est tout au moins aussi importante parce qu'il y a un rapport savoir-pouvoir. C'est tant qu'on n'a pas modifié le savoir dominant, en fait, tu peux faire tout ce que tu veux, mais. Après, l'autre enjeu, c'est l'articulation de tous les savoirs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le savoir de la recherche et des chercheurs, comment il arrive à questionner et à rendre visible aussi le savoir d'usage et le savoir. Mais ça, c'est un autre travail, à la rigueur, qu'un certain nombre d'entre nous pouvons faciliter dans ces représentations, parce qu'en fait, l'un des freins, quand même, dans cette collaboration, c'est souvent qu'ils ne savent pas se parler. Donc, et nous, on le dit aussi à Marseille, donc heureusement qu'il y en a un certain nombre qui considèrent que le levier est extrêmement puissant si on arrive véritablement à construire de la vraie coopération. Mais coopération, c'est-à-dire que ce n'est pas des chercheurs qui ont besoin de terrain pour écrire et valoriser leur carrière universitaire, je le fais pour moi, et les activistes qui en ont marre, ou des habitants qui en ont marre d'être le cobaye. Voilà. Et à Noailles, c'est caricatural parce que depuis un an, imaginez bien qu'on saute sur Noailles pour faire des études. Donc, moi je dirais tant mieux, parce que maintenant le travail, c'est que ces études-là, elles reviennent au territoire et elles construisent des stratégies. Mais ça, c'est notre rôle. Ça, c'est notre rôle. Si c'est pas nous, militants du droit à la vie, qui créons ces espaces, personne ne le fera. Ça renvoie une donnée que moi, c'est ce que je répète souvent, c'est le temps qu'on n'a pas, enfin le temps qu'on n'a pas nous personnellement de tout faire. Par contre, les chercheurs et l'observatoire avec Elisabeth l'a démontré, c'est que quand même, eux ils ont du temps. Alors certes, des fois c'est un peu trop long, mais au moins en TD, ils ont des étudiants qui produisent des choses que nous on ne pourra pas faire. Moi je vous le dis, on en fait sans fils sur des thématiques. C'est cette thématique-là, hein. Et le problème, c'est que y a des profs qui s'aiment plus que leurs pensées, quoi. Ils ont des pensées très à gauche, mais voilà, faites mon travail, etc. Moi, ça a été dur, hein. Je veux dire, qu'est-ce que vous allez travailler sur quoi, j'en ai jamais. J'ai un travail à faire qui est beaucoup plus important. On est cinq groupes à travailler sur des thématiques d'économie solidaire, de résilience, etc. Ça pourrait profiter sur le local, et ils te disent en même temps qu'il faut faire du local. Et la force de travail, elle est quand même très forte. Alors après, c'est vrai qu'on est censé un peu comme la première année, mais à savoir que en maîtrise, c'est très fort. Sciences Po, il y a à Grenoble, si je ne sais pas, mais il y a une maîtrise qui est un master qui est territoire vide et solidarité. Ils se saisissent aussi de ça. Ils ont un potentiel assez énorme. Ouais, ils sont classés un peu, ils ont des positions très élevées. Donc, c'est des ressources. Et ils arrivent à produire très vite et de très bonnes qualités. Est-ce que tu arrives à la rentrée en terminologie des masters? Ah oui, les écoles d'archi. Ils sont en train de travailler avec une archi. En fait, après, tu n'as plus qu'à. Pour construire des liens avec une université. Ça met plusieurs années. Mais après, tu arrives. Et dans ce domaine-là, par exemple, le renouveau du droit à la vie, c'était ça. L'école de Los Angeles, c'est en fait à l'UCLA, l'école de Los Angeles, l'école urbaine, quoi, qui ont monté en fait une alliance en fait avec les mouvements sociaux. C'est d'abord les mouvements sociaux qui ont interpellé les chercheurs de l'UCLA, et au final il y a eu un renouveau en fait des domaines de recherche du droit à la vie et des mouvements qui sont auto-alimentés les deux, Et ça a donné des analyses sur la gentrification que on les aurait jamais eues sans eux. Et du coup, de ce côté-là, c'est ça qui est d'ailleurs intéressant avec le droit à la ville, c'est que ça part quand même d'Henri Lefebvre, qui est quand même une référence au niveau géographie et sociologie et philosophie. Bon, il y a pas mal de choses. Et là, on a des courants qui, sur lesquels on peut s'appuyer. Alors, on peut tout miser, c'est pas ça qui va nous faire gagner la lutte contre les démolitions d'immeubles ou contre le projet d'aménagement, évidemment, et tout, mais on peut comme ça réussir à gagner, faire quelque part en plus. Faire partie des pistes. Par contre, si vous voulez des références aussi, c'est des bouquins ou des thématiques, il ne faut pas hésiter à nous en envoyer un mail. Nous, on a les spécialistes qui sont à l'étage, hein, le relire. Parce que toi, t'es géographe ? Ouais, moi, j'aurais fait des études en géographie avec lui. Et du coup, c'est comme ça qu'on a rencontré Sabine. Et oui, la géographie, c'est la discipline qui traite ces problématiques. Donc, disons, en plus, ce qui est bien, c'est que il y a beaucoup de chercheurs comme nous avons l'air de la métropolisation qui ont des laboratoires surtout avec les termes de transition, donc ils cherchent au contraire à avoir des lectures de ce qui se passe dans le quartier et ils sont intéressés par les compétences pour fournir des informations. Ben, ça, il faut rester, il faut que voilà, c'est un des axes, je pense, du travail à poursuivre entre nous là. C'est les alliances et les expériences en termes d'alliances universitaires, techniques avec les voyageurs sociaux. Voilà, si après, je ne sais pas comment ça marche, mais si là, par exemple, il y a des stages aussi, des stages d'un mois, c'est sympa aussi peut-être de voir et que si dire ou non, on va accueillir un stagiaire qui travaille sur une thématique. Et donc là, ça peut être sympa aussi d'avoir un stagiaire qui vient travailler sur un mois pour faire quand même des choses. Il y en a qui sont, là, sont les géographes, il y a nous, par exemple, on a quatre spécialités dans la géographie, il y a l'environnement, il y a l'ensemble de la géographie. Moi plus en aménagement et l'urbanisme. Et il y a les traitements de l'information géographique. Donc là, je suis très doué pour vous produire des cartes avec les informations que vous voulez. Hein. C'est ce que justement à l'ANAMI, enfin, c'est d'ailleurs des étudiants avec des spécialités qui ont travaillé sur la carto. On a un outil numérique de gestion et avec un informaticien qui s'approche à Elisabeth et qui nous met à disposition sa connaissance. Il a construit un outil. Bon, après, on peut vous partager le lien, on vous le partagera. Il n'est pas encore, il est semi-public parce que il a été fondé sur des données, par contre, des acteurs associatifs donc du territoire à base d'entretien avec, parce qu'ils reçoivent toutes les semaines des délogés. C'était le premier jeu, c'était cartographier les délogés, les parcours des délogés. Et après, il y a l'autre dimension qui est de repérer les habitats aujourd'hui en situation d'insalubrité et après de repérer les risques en fait. Hein, parce que c'est ça, aujourd'hui on parle de. Bah, la ville rachète hein, des bâtiments déjà. Donc la question c'est qu'est-ce qu'ils vont faire comme on sent qu'il n'y a absolument aucune vision politique, aucune pensée politique, le risque c'est d'être dans l'opportunité. Hein. Enfin, de répondre à de l'opportunité de quelques opérateurs qui veulent construire rapidement. Donc c'est là où il faut être force de proposition. Ouais. Il est parti David. Mais voilà, donc n'hésitez pas si vous avez dit. D'ailleurs, je vais juste se rendre tout bien. C'est ça en fait. Là, salut. Tu as endormi ta fille. Si je vais derrière le rideau, là, je peux dormir. Les savoirs, ils s'arrêtent pas. Ouais, exactement, c'est vrai. Moi, je pense que c'est dans l'urgence, par contre. Le savoir, le savoir. C'est bon, Marseille, c'est parti. Non, mais c'est vrai qu'on en fait. C'est pas le savoir, travailler sur Ouais. La voie nôtre. pas possible de faire ça. Non, c'est clair. La métropole de Marseille, Nos mails. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous l'envoyer maintenant, direct. Ah oui. Vous n'avez pas entendu ça par rapport au background de... Non. J'ai pas compris. Ouais, je pense que c'est ça. C'est la place de l'usager, la maîtrise d'usage dans le logement social, je crois. Ils ont réussi à connaître les grandes organisations. Tu dois faire quoi pour aller mieux? Ah ouais, c'est chaud. Ouais. Il te dit parce que c'est long, non? Parce qu'il y a des gens qui savent. Tu es en train de parler pour les vidéos.